est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Qui l'attendait de l'autre côté à la ligne? Fantomas peut-être à la ligne. Il s'élança. La stupeur alors le cloua sur place. Le mort n'était plus sur le divan. Le cadavre dansait. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Voilà plus de 100 ans qu'il rôde, incarnant le mal absolu. Plus de 100 ans que Fantomas a installé entre les cambriolages les plus brutaux et les forfaits les plus épouvantables son emprise sur les imaginations populaires et sur les raffinements d'écrivains et d'artistes que rebutent les conventions ordinaires. Plus de 100 ans que son succès nous parle des angoisses collectives et des dévergondages de la liberté. Plus de 100 ans que ce personnage, né du papier, s'est imposé sur tous les supports de la culture de masse, comme on est convenu de dire. Donc on s'interroge forcément sur ce phénomène, avec l'envie de situer Fantomas à la fois dans le climat de son émergence, au cœur de la belle époque avant la Grande Guerre, et en même temps parmi les générations ultérieures qui l'ont perpétué. Fantomas, maître de l'effroi, prince des ténèbres, empereur du crime. Fantomas, affublé de son masque et de sa cape noire, flottant au gré du vent pour survoler les malheureux humains qu'il exploite et qu'il terrorise. L'un de ces humains, heureusement, a résisté à toute fascination mortifère et s'est montré capable de regarder le monstre sans ciller. Cette exception ne pouvant évidemment s'expliquer que parce qu'il s'agit d'un historien, professeur à la Sorbonne. Avec Dominique Khalifa, nous avions parlé naguère ici d'Arsène Lupin, une autre figure devenue mythique. Je l'ai invité ce matin sous l'effet de la lecture d'un livre qu'il a publié récemment et qu'il a intitulé de façon suggestive en nous interpellant tout droit « Tu entreras dans le siècle en lisant Fantomas ». Le siècle, s'agit-il du 20e ou bien s'agit-il d'une autre, le 21e? La réponse est à venir au fil de l'émission qui va s'engager. Et comme je souhaite beaucoup conserver votre attention, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, avant de vous quitter pour les rediffusions de l'été, je maintiens entier le suspense. Et pour commencer, Fantomas chez le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, pauvre garde des Sceaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on marche dans l'appartement? Et pourtant, mais je suis seul. Trop seul, peut-être. Baptistin est dans l'autre aile. La lumière soudain se fait, éblouissant ses yeux accoutumés déjà à l'obscurité. Oh ! Devant lui. L'homme de la semaine dernière. Mon agresseur. Désiré Ferrand, l'heure est venue de m'obéir. Il faut vous décider, vous avez 5 secondes. Partez, je vous fais arrêter. On ne donne pas d'ordre à Fantomas. Car c'est à Fantomas qu'il appartient de commander. Une dernière fois, j'exige 1 milliard. Où voulez-vous que je le prenne? C'est abominable, oh Dieu! Votre audace est sans pareil. Sans pareil, en effet. Jamais le gouvernement, jamais les ministres. Je me suis adressé à vous de préférence pour 2 raisons. La première, je réprouve vos circulaires aux tribunaux ordonnant la sévérité. Il m'appartient à moi seul d'apprécier le bien fondé des crimes que je commets. 2e raison. Vous disposez, sous prétexte de police, des fonds secrets mis à votre disposition par l'État. Misérable. Puisez 1 milliard sur ces fonds secrets. Vos électeurs n'en sauront rien et je disparaîtrai. Monstre abominable, jamais! Soyez assurés que dès demain, toutes les polices seront à vos trousses, sans relâche. C'est la guerre, alors. La guerre à mort. Oh, au secours! Calmement, posément, Fantômas palpe la chair moite, cherchant à localiser la position du cœur. Sortant de dessous son manteau une longue et fine aiguille, le lâche vainqueur l'enfonce sous le sein de sa victime et lui transperce le cœur. Monsieur le garde des Sceaux est mort. Bonne nuit, monsieur le ministre. Dormez bien. Vous avez toute l'éternité pour cela. Dominique Khalifa, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé un extrait d'une adaptation radiophonique du roman qui s'intitulait « Le policier Apache » de Pierre Souvestre et Marcel Alain, les deux complices que nous allons avoir beaucoup à fréquenter ce matin. C'était une émission de France Inter le 12 octobre 1973 avec Roger Carrel dans le rôle de Fantômas et Bernard Deran de la Comédie Française jouant le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, ici trucidé. Vous le retrouvez, votre Fantômas, d'emblée ? Oui, je pense que s'attaquer à un garde des Sceaux, ça fait tout à fait partie du programme de celui qui se voulait effectivement l'incarnation du crime Belle Époque. Il dit quelque chose d'assez amusant dans l'extrait, c'est que ce garde des Sceaux avait incité à la sévérité des tribunaux. Et c'est vrai, le garde des Sceaux de 1900, Briand qui était garde des Sceaux à l'époque, il y avait eu tout un débat autour de tribunaux qui devaient être plus sévères. Donc là, on retrouve des éléments tout à fait authentique dans la transposition romanesque effroyable. Dès ce moment-là, le ministre de la Justice jugeait que c'était de son devoir de donner des instructions générales procureur. À l'ensemble des procureurs, ce qui est encore vrai d'ailleurs. Mm-hmm. Enfin, il n'y a pas eu de drame de ce type à ma connaissance. En tout cas, on voit Fantômas, parmi d'autres activités maléfiques, s'offrir le meurtre d'un membre du gouvernement, c'est très mal. Mais enfin, on le voit partout comme ça. Il tient un roi prisonnier sous les fontaines de la place de la Concorde. Il vole l'or du dôme des Invalides. Il bombarde le casino de Monte Carlo. Il lance dans les rues de Paris un fiacre conduit par un cadavre. Il prend le visage et l'identité de ceux qu'il assassine, etc., etc. Et il inocule la peste à un bateau de retour d'Afrique du Sud. Oui, rien ne l'arrête, effectivement. L'excès, l'outrance dans le mal, c'est sans doute ce qui caractérise effectivement l'activité et le programme terrifiant de ce personnage de roman. Qui est apparu dans quelles circonstances ? Le premier texte apparaît et publié en février 1911. Ce sont le premier des 32 volumes canoniques qui vont effectivement, à raison de un par mois, être publiés par Artem Fayard, de février 1911 à novembre 1913. Dans cette période, fin, début des années 10, qui est une période effectivement dans laquelle on parle beaucoup de crimes. Enfin, ça faisait déjà pas mal de temps qu'on parlait beaucoup de crimes, mais là, il semblerait qu'il y ait une sorte d'apothéose de l'insécurité, de la violence et de la délinquance apache, des bandits anarchistes. En 1911-1912, Fantômas est l'exact contemporain de Bonneau et de la bande à Bonneau et de beaucoup d'autres. Le texte, qui est évidemment un texte plaisant, un texte romanesque, un texte pour faire lire le populaire, comme d'ailleurs le bourgeois ou l'intellectuel, on y reviendra. Ce texte-là surgit dans un contexte qui est totalement fasciné, obsédé, inquiet sans doute, peut-être pas, par les questions de crimes, de délinquance, de meurtre, d'assassinat, de vol, de cambriolage, d'explosion, etc., etc. Il y a les Apaches. Oui. Fantômas, roi des Apaches. Hein. On parle d'Apaches depuis le tout début du siècle. Hein. C'est en 1900 qu'on a affublé de ce nom d'une tribu indienne les mauvais garçons, les voyous, les escarpes, les rôdeurs de la capitale. Mais alors, ça traînait de poudre. Hein. En quelques mois, tout le monde parlait d'Apaches pour désigner ces jeunes voyous parisiens. Et Fantômas va récupérer, j'ai dû écrire ça quelque part, l'encyclopédie de l'apacherie, Fantômas. C'est le maître, effectivement, de tous ces voyous et prostituées de la capitale qu'il a enrôlé dans son armée du mal, dans son armée du crime, comme effectivement on attendait qu'il le fasse. Nous allons donc voir Fantômas enraciné dans son temps, dans cette ambiance qu'il faut restituer pour comprendre cette émergence, et puis dans un même mouvement, réfléchir à sa pérennité. Tu entreras dans le siècle, ouais. C'est le titre de votre livre, Dominique Khalifa. C'est le temps aussi de l'âge d'or de la presse populaire. Le matin, le journal, le petit journal, qui ont fait d'ailleurs la notoriété des Apaches d'une certaine façon. Je relève dans le petit journal en 1907 cette citation. « Leur nombre croît sans cesse. Ils pullulent, ils foisonnent, leurs bandes sont partout, du centre à la périphérie. Et Paris est, à présent, aux mains d'une vaste organisation criminelle dont les vols à main armée, meurtres, batailles intestines, lutte contre les agents sont les manifestations quotidiennes. » Absolument, c'est une création des journalistes qui ne vont pas avoir de cesse, au moins jusqu'à la Grande Guerre, et peut-être même encore après, à agiter cette menace à Apache. Et d'une certaine manière, nos deux auteurs, Pierre Souvestre et Marcel Alain, ne font finalement que reprendre ces motifs qui surnagent dans les premières pages ou dans les colonnes de faits divers pour les mettre en scène de façon peut-être un peu plus outrancière, un peu plus excessive, un peu plus marquée. Et Fantômas, de fait, va devenir ce prince de l'apacherie, ce roi des Apaches qui fait peur. Mais le journal est partout. On sait que Fantômas est poursuivi par le bon commissaire inspecteur Juve et puis par un reporter, Jérôme Fandor, qui lui-même est reporter à la capitale, lequel n'est que la capitale, que la transposition à peine déguisée du matin ou du petit parisien ou du petit journal, un des grands de l'époque, un des grands journaux de l'époque. Il faut noter l'importance de la capitale, de Paris, dans cette histoire quand elle commence. Vous avez beaucoup écrit sur le Paris des années 1900, Dominique Khalifa. Le voilà, votre Paris, avec l'Est et l'Ouest qui évoluent. Absolument. Fantômas, c'est Paris, et Paris, c'est Fantômas, même si ce personnage va avoir cette compétence extraordinaire à voyager un petit peu partout, à sillonner le globe, mais avec un ancrage parisien qui est majeur. J'ai même envie de dire un ancrage dans quelques quartiers parisiens, le Montmartre, le Montmartre que Chevalier appela du plaisir et du crime est quand même très très présent. L'ensemble de la ville, de cette ville neuve, parce que le Paris de Fantômas, c'est le nouveau Paris qui est né il n'y a pas si longtemps avec Haussmann et qui continue à s'imposer effectivement comme la capitale du 19e et du 20e maintenant. Donc moins le Faubourg Saint-Germain que les quartiers nouveaux de la rive droite, oui, 16e, etc. Les auteurs vont prendre la mesure effectivement de ce nouveau Paris qui conserve quelques ancrages traditionnels, mais pas le Faubourg Saint-Germain, c'est suranné, c'est vieillissant. Un peu des halles encore, mais surtout effectivement, et l'Ouest parisien, les beaux quartiers de la mondanité et du qui mènent jusqu'aux Champs-Élysées, au Bois de Boulogne. Et puis, ne les oublions pas, les quartiers sinistres, affreux, glauques, des zones périphériques, la Chapelle, la Villette, Bercy, Javel, qui étaient des quartiers, les fortifications, la zone, qui étaient des quartiers effectivement qui faisaient trembler les lecteurs et où se réunissaient à la nuit tombée les Apaches et les Pierreuses. Ces deux auteurs, Pierre Souvestre et Marcel Alain, il faut restituer ce duo très spécifique. Et pour cela, écoutons Marcel Alain. Il faut dire que Souvestre est mort très tôt, en 1914. 14, congestion cérébrale, avant la guerre, il est mort. Et que Marcel Alain, qui était son complice, mais aussi d'abord son nègre, comme on disait à l'époque. Son secrétaire, sa plume, son nègre. Et on dit plume maintenant, parce que c'est plus convenable. Alors on peut faire entendre la voix de Marcel Alain, parce qu'il a survécu 55 ans à son associé, et qu'il s'est donc beaucoup exprimé. Il est mort en 1969. Voici la façon dont il donne pour la télévision française ses souvenirs. Nous faisions un plan très minutieux d'accord. Nous nous enfermions dans le cabinet de Souvestre et chacun sortait une idée. Nous prenions ce plan par écrit. Il s'agissait d'en tirer 16 chapitres. Après quoi nous tirions au sort celui qui prenait les chapitres pairs et celui qui prenait les chapitres impairs. Il n'était pas interdit de se livrer à un petit commerce. Si, par exemple, il y avait un chapitre sur la Bretagne, Souvestre étant breton d'origine, je lui repassais le chapitre sur la Bretagne et lui me repassait un chapitre dans lequel j'étais plus à mon aise. Maintenant, pour nous reconnaître, pour savoir qui avait réellement dicté le chapitre, s'il y avait une erreur quelconque, nous mettions dans la première page, à tour de rôle, un mot. Moi, je mettais « toutefois » et Souvestre mettait « néanmoins ». Alors, quand il y avait une erreur, on disait « c'est un toutefois, Alain, vous n'avez qu'à vous y recoller ». Et on reprenait le chapitre. Ce premier extrait remonte à août 1969 et voici, un peu antérieur, un autre propos. Il explique comment il travaillait avec plus de détails. Nous étions épouvantés de voir les piles s'accumuler chez les libraires. Or, il s'agissait de réassortiments. Le premier volume tirait sans arrêt. Je ne crois pas que j'exagère en disant qu'il a dépassé le million de tirages. Il fallait donc s'organiser pour travailler, et travailler vite. Le procédé que nous trouvions était assez commode. Et d'ailleurs, je m'en sais encore. Le dictaphone. Vous dictiez, c'était avant les magnétophones, bien entendu. Vous dictiez sur des rouleaux de cire, que voici. Un rouleau donne, si l'on dicte régulièrement, environ 16 pages. Il était donc très facile d'enregistrer rapidement un volume sans s'occuper d'une dactylo. Il suffisait le soir de faire porter les rouleaux chez 2, 3, 4, 5 dactylos qui les tapaient en même temps. Et le lendemain, vous pouviez avoir facilement 200 pages d'écrites. Je peux parfaitement vous faire entendre les premières phrases de Fantomas. J'ai gardé le rouleau et je l'ai retrouvé. Vous allez voir. Écoutez. Fantomas, vous dites, je dis Fantomas. Cela signifie quoi? Rien et tout. Pourtant, qu'est-ce que c'est? Personne, mais cependant quelqu'un. Enfin, que fait-il, ce quelqu'un? Il fait peur. Voilà un incipit qui est resté fameux. Vous pensez que c'est vraiment Alain qui l'a écrit? Je ne suis pas certain. Le duo Souvestre et Alain, les auteurs, n'étaient pas de nature ni de statut égal au moment où Fayard signe le contrat, et même au moment où les volumes le contrat est signé avec Pierre Souvestre uniquement, qui était une personnalité du milieu du journalisme et des lettres parisiennes. Marcel Alain était complètement inconnu. Ce n'est pas avec Max Chatrian. Non. Le fait est que Alain a beaucoup écrit par la suite. Souvestre est mort, on l'a dit, en 1914, en février 14. Alain est resté vivant très longtemps. Il a écrit beaucoup, il a parlé beaucoup, on l'a beaucoup lu, il s'est beaucoup exprimé. Il a tiré un peu à lui la couverture. Mais de fait, dans la création initiale, force est de constater que c'était sans doute Souvestre qui portait et qui tirait véritablement la barque de Fantomas et qui lui a peut-être insufflé toute son originalité, toute sa puissance, toute sa force créatrice. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que nous sommes beaucoup à avoir, parce que les quelques 400 romans écrits par Marcel Alain seul après la Première Guerre mondiale sont assez médiocres. Ne sont pas du tout de la même puissance. Il a essayé de poursuivre Fantomas, oui, mais ça n'a pas... Il l'a ressuscité, mais enfin pas du tout avec la même envergure, ni la même puissance que l'œuvre de Souvestre et Alain. Il s'est beaucoup avancé quant au tirage aussi. Alain donne le sentiment parfois de se hausser du col. C'est un peu un affabulateur, Marcel Alain. Comme il a beaucoup parlé et que Souvestre, lui, n'a rien dit, en dehors du magnifique texte, enfin magnifique, du texte de Fantomas que nous avons. Néanmoins, ça a été un très grand succès, qui est absolument très intéressant. Sans doute pas, comme le dit Marcel Alain, Fantomas a dépassé la Bible. Les premiers volumes se sont très bien vendus. Les calculs que Loïc Artiaga et Mathieu Letourneux ont fait à partir des documents, et notamment des carnets de Marcel Alain... Ce sont les éditeurs de Fantomas dans la collection bouquin. Dans la collection bouquin. Les calculs auxquels ils se sont livrés ont montré que les premiers volumes avaient pu atteindre effectivement des chiffres assez importants pour l'époque, 500, 600 000 exemplaires. On sait que le livre populaire de Fayard est le premier à avoir, selon l'expression de Jean-Yves Mollier, passé la barre des 100 000, ce qui était énorme pour l'époque. Mais après, à partir des volumes 5, 6, et puis surtout dans la dernière partie, ça devient beaucoup plus modeste, hein, 50, 60, 100 000, ce qui était déjà énorme. Mais Alain a beaucoup exagéré. Alors je voudrais aussi que vous restituiez quelques autres personnages, parce que comme toujours, un roman de type fait jouer, il n'est pas seul. Oui. Alors, il y a bien sûr, il y a le triptyque fondateur, c'est-à-dire Fantomas, le méchant, et puis les deux investigateurs, les deux enquêteurs, l'un officiel, l'inspecteur Jules de la Sûreté parisienne, l'autre officieux qui est un reporter, mais on sait combien le reporter est une des grandes figures de l'enquête Belle Époque. Rouletabille, par exemple, pour Gaston Leroux. Bien sûr. Et évidemment, lorsque Souvestre et Alain créent Jérôme Fandor, reporter à la Capitale, ils ont Rouletabille en tête, hein, qui à l'époque vendait beaucoup. Et Isidore Beautrelet, dans Les Nuits Creuses. Votre cher Arsène Lupin dont nous parlions naguère. Absolument. Donc on a ces deux hommes qui vont se livrer à une traque infinie, incessante, derrière Fantômas. Et puis progressivement, des tas de personnages qui vont apparaître. Pierre Souvestre connaît bien son feuilleton, connaît bien sa culture feuilletonesse, connaît bien effectivement, et donc il sait qu'il faut des histoires familiales. J'aime bien Lady Beltham. Alors il y a Lady Beltham, effectivement, la maîtresse de Fantômas. Fantômas va assassiner son époux, Lord Beltham, dès le premier épisode. C'est expéditif. Et même si elle est terrorisée par cet homme, même si elle est tout à fait effrayée par ce crime initial, eh bien, elle va devenir sa maîtresse. Et comme on dit vulgairement, elle va avoir Fantômas dans la peau jusqu'au bout. Et puis, par petites touches, on va voir apparaître la fille de Fantômas, le fils de Fantômas. Sa seule faiblesse, la fille de Fantômas. Oui, Hélène, dont on découvrira in fine qu'elle n'est pas vraiment sa fille. Là encore, une bonne vieille recette du roman populaire, du roman sentimental que Souvestre s'est recyclé. Et puis, il fallait des histoires d'amour. Évidemment, Jérôme Fandor va devenir amoureux et va épouser Hélène, bien sûr. Donc on a ce registre familial qui peut paraître un peu suranné, un peu forcé, mais qui est, à mon sens, tout à fait fondamental dans la série, parce qu'il lui donne, elle lui donne ce registre, toute sa dimension épique, avec Fantômas, dont on découvrira d'ailleurs à la fin du volume qu'il n'est que le frère jumeau de Juve. Donc tout se passe dans un tout petit univers familial. On a là quelque chose qui nous porte en quelque sorte une sorte d'Olympe moderne, avec des demi-dieux et toute une famille bien supérieure à la pauvre existence de misérables mortels que nous sommes, et qui, d'une certaine manière, tire les ficelles. Parlez pour vous. Voilà. Oui, et des autres lecteurs, hein, bien sûr, évidemment, ou des misérables victimes, tels ce garde des Sceaux que nous avons vu tout à l'heure en début d'émission. À nouveau, il faut que je vous fasse entendre un texte, un extrait des aventures de Fantômas. C'est une lecture par Michael Lonsdale du roman « Le cadavre géant » de Souvestre et Alain, qui était donné sur France Culture le 7 août 1991. Vous allez voir, comme toujours, c'est glaçant, comme on dit maintenant, à profusion. Certes, le maître de l'épouvante avait maintes et maintes fois commis d'épouvantables horreurs. Certes, lui qui se vantait à juste titre d'être le plus raffiné des tortionnaires avait assisté à des spectacles plus abominables encore. Mais l'impression qui se dégageait de la vision nocturne qu'il avait sous les yeux de ces morts inconnus qui étaient là, roidis dans une pose conventionnelle, ayant l'air de dormir d'un sommeil de cauchemar, lui causait un malaise indéfinissable, et cette sensation nouvelle le forçait sans doute à réfléchir que lui, qui avait tant tué, serait un jour, comme tout un autre, un pauvre et misérable cadavre, puisque la mort est égale pour tous, étant une loi inéluctable, une loi courbant sous son tranchée les forts, les puissants, les riches, aussi bien que les pauvres et les faibles. Fantômas, machinalement, s'était découvert. « Ha ! Je suis un sot, bougonna-t-il. Ces misérables disparus me font en vérité plus peur qu'une armée de policiers. » Celui qu'il cherchait autrefois n'était pas parmi les cadavres exposés. « Voyons le frigorifique, » murmura-t-il. Fantômas, soudain, sursauta. « Ah, très bien, » dit-il, « voilà ce que je cherche. » Sur l'étiquette d'une porte, Fantômas venait de lire des instructions fort nettes ainsi énoncées. « Daniel, cadavre grimé en Jérôme Fandor et retrouvé par Juve dans le train d'Amsterdam envers Bruxelles-Paris. Juve s'occupe de l'affaire. » Et sans souci de l'horreur véritable de la profanation qu'il tenait ainsi, Fantômas introduisit le bras dans le frigorifique, empoignait les pieds glacés du mort et tirait le corps à lui. Fantômas, à la lueur blafarde de la lune, se penchait alors sur le cadavre qu'il finissait par frôler presque. « C'est bien lui, » murmurait-il, « c'est bien lui. » Et il avait un rire de triomphe devant le mort qu'il reconnaissait à ce moment. « Ha ha !» disait-il, « Juve prétend faire parler Daniel. Juve prétend, à l'aide de ce cadavre, savoir ce que je veux lui cacher. Eh bien, soit !» Ils verront que je puis réduire à néant toutes les prétentions de Juve. » Portant le mort sur son dos et ne marquant toujours aucune répugnance à l'infâme besogne qu'il accomplissait ainsi, Fantômas traversait la morgue, se dirigeant vers les fenêtres qui dominent le fleuve. Que prétendait-il donc faire? Voulait-il ravir le cadavre de Daniel? Fantômas, un instant, soufflait, ayant déposé sur le rebord du mur le corps du malheureux. Alors, le voilà dans son dialogue constant avec la morgue. La morgue, c'est un lieu idéal pour la présence de la morgue, c'est magnifique. C'était un lieu qui fascinait beaucoup les Parisiens de l'époque, à tel point que le préfet Lépine avait cru bon, en 1907, d'interdire les visites publiques de la morgue, qui se faisaient beaucoup auparavant. J'aime bien l'extrait, parce que Lonsdal a une voix qui colle assez bien, à la fois caverneuse, inquiétante, froide. Et en même temps, l'extrait est intéressant, parce qu'il nous montre quelque chose qu'on ne voit pas souvent, c'est-à-dire Fantômas, dans un moment de doute, cet homme qui est la plupart du temps si sûr de lui, qui est le génie du crime, hein, l'empereur du mal, là on le voit effectivement un petit peu dans un moment d'interrogation sur lui-même. Ça va vraiment très bref. Ça va pas durer, très bref. Le plus souvent, il dit à ses complices, je vous promets du sang et de l'or. Et les auteurs le montrent avec un regard au reflet métallique, un rire sardonique dont les accents glaçaient d'effroi. Il maniait l'effroyable roi de l'épouvante avec une suprême habileté, les paroles d'honneur et les ironies cinglantes. Oui. C'est plus fréquent que ces instants d'incertitude. C'est beaucoup plus fréquent. Et ce qui est très très frappant dans le texte et aussi bien sûr dans les adaptations cinématographiques qui sont venues après, dont on parlera, c'est toujours ce moment d'apparition de Fantômas. Lorsque Fantômas apparaît, tout se gèle, tout se glace effectivement et une sorte de frayeur. Rappelons-nous l'incipit de tout à l'heure. Il fait peur. Et effectivement, la première vision de cet homme, sous ses divers masques, puis finalement on ne le voit jamais que sous ses incarnations diverses, produisent toujours le même effet, un effet effectivement de glaciation de nos sens. On peut à ce propos signaler que une des raisons du succès initial, ça a été la couverture qui a été adoptée, le dessin de Gino Staras. Oui, alors la première, c'est cette figure qui est si emblématique, effectivement, dans laquelle on voit effectivement Fantômas en habit, avec un loup sur les yeux, surplomber Paris. C'est une couverture assez étonnante. On a mis les mille interprétations sur elle. Alain a prétendu qu'il avait réutilisé une publicité pour des pastilles que le personnage distribuait dans les Paris. Pilule ping pour personne parle. Ce qui était effectivement un de ces remèdes un peu de charlatan qui avait si nombreux à la belle époque. Mais je suis pas du tout certain que cela soit vrai parce qu'effectivement on a retrouvé le dessin, la forme originelle de cette première couverture. Et c'est un montage en fait, un collage. Et je ne pense pas que ça correspondait véritablement à l'esthétique des pilules ping qui nous présentaient plutôt, en tout cas si on croit les autres publicités, des jeunes filles à cortes un peu aux pommettes rouges. Et je pense que ça fait partie de ces affabulations de Alain. Et puis après, il y a ces couvertures extraordinaires, les 31 qui suivent, qui sont signées de Gino Staras, l'illustrateur maison, un napolitain qui était l'illustrateur maison de la maison Fayard, et qui, elles, sont fantastiques et qui nous montrent, effectivement, avec une petite pointe de grand guignol, mais quand même toujours cet instant fatal, effectivement, ce moment terrible où la scène est en train de basculer dans l'irréparable et dans un irréparable qui est toujours extrêmement violent, extrêmement, extrêmement inquiétant, extrêmement terrible. Le rôle, évidemment, d'Artem Fayard est important, l'éditeur. Absolument. Il avait commandé une série, au départ 5 volumes, il y en a 32 au bout du compte, donc ça a conquis, hein, et Artem Fayard. Mais effectivement, ça les a poussés à publier un volume par mois pendant 32 mois, ce qui est énorme. La masse totale de Fantômas, c'est 12 000 pages. 12 000 pages et 9 millions de signes, pendant que les deux auteurs se livraient à des travaux parallèles. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que Fantômas. Hein. Il y avait Fantômas, il y avait des articles, il y avait d'autres séries publiées en parallèle. C'était un travail de titan, effectivement. Est-ce qu'on peut faire une lecture politique dans ce moment précis de l'avant-grande guerre, de cette œuvre? On a un peu l'impression que c'est un univers, certains l'ont dit, sans véritable fibre sociale. Il n'y a pas... Est-ce que c'est anarchiste? Probablement pas. On ne marque pas du tout de lutte. Au fond, les auteurs n'ont pas beaucoup de sympathie pour les grévistes et les ouvriers n'apparaissent guère. Non. Il faut toucher le public tout entier, à vrai dire. Bien sûr, c'est comme les faits divers de la grande presse, comme les éditoriaux ou comme les romans populaires au sens le plus basique du terme, il faut effectivement éviter tout avis trop tranché qui va vous aliéner des lecteurs. Mais effectivement, beaucoup de personnes ont été sensibles à la fibre anarchisante, tout simplement parce que on est au même moment. Donc il y a des explosions, il y a des crimes atroces, il y a des hold-up et Bono et ses amis, effectivement. Mais c'est purement contextuel et je ne pense pas qu'il y ait la moindre dimension dimension politique. Hein. Alain s'est dit par la suite homme de gauche. Il a publié dans les années 20 une série qui s'appelait Les Cris de la misère humaine, qui était très, très misérabiliste, socialo-misérabiliste. Mais il n'y a rien du tout. Et Fantomas, c'est absolument pas un héros anarchiste. Hein. Il méprise les pauvres. Il méprise d'ailleurs les apaches qu'il emploie. Lui, ce qu'il veut, c'est sa volonté de puissance, c'est son pouvoir, c'est l'argent, c'est la force. Il n'a rien d'un héros politique. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Alors maintenant, dans la seconde partie de cette émission, je voudrais que nous essayions de comprendre, Dominique Khalifa, pourquoi Fantomas a provoqué cet engouement des avant-gardes, des avant 1914, et là, on est à la naissance d'un mythe qui est très intéressant à considérer. C'est dès 1914 que, du côté de Montmartre, on crée une société des amis de Fantomas. Être l'ami de Fantomas, ça pouvait paraître risqué. Oui, c'est pas vraiment un chic type, Fantomas. Et pourtant, il a eu beaucoup d'amis à partir de là, et une longue cohorte, une longue théorie d'amis jusqu'à nos jours. Oui. Que Fantomas ait été par la suite recyclé, repris, qu'il ait produit des émules, tout ça, c'est finalement assez classique dans l'histoire des héros de la littérature populaire, depuis Rocambole, Lupin, Tarzan, en fait, tous ces héros ont une longue vie. Mais que cette longue vie arrive à séduire des poètes, des peintres, des intellectuels, des romanciers, ça est durablement... C'est assez mystérieux, il va falloir éclaircir cela. On commence par Apollinaire. Oui, Apollinaire, de toute évidence, fut le premier. Apollinaire et ses amis du bateau Lavoir ont lu avec une immense fascination et plaisir les volumes initiaux, et puis Apollinaire, comme ceux qui vont le suivre, Sandrars, Mac Jacob, André Salmon, vont aussi être fascinés par les films de Louis Feuillade, les films de Feuillade qui arrivent très vite, hein, dès 1913, et qui vont en rajouter sur la fascination que les aventures du héros masqué pouvaient avoir produit sur les poètes. Sans compter que cette manière de dicter les textes pouvaient apparaître comme à l'origine d'écriture automatique. On est aussi à l'aube, dans les racines d'un surréalisme. Mais avant d'y venir, je voudrais vous faire entendre, vous citiez Mac Jacob, un texte célèbre de lui en 1914, qui est rassemblé dans les écrits pour la Société des amis de Fantomas. C'est un extrait de l'émission qui s'intitulait « Rocambolesque et le prélude au roman policier » sur France Culture, le 4 août 1976. Chaque aventure nouvelle de Fantomas présente quatre parties. Première partie, description d'un milieu paisible ou non. Les auteurs font preuve d'une connaissance minutieuse du milieu décrit. Cette description est large et simple. Deuxième partie, un crime est commis avec des circonstances mystérieuses, généralement par un domestique faux et dans un endroit hermétiquement clos. L'habileté du policier Juve découvre que l'auteur du crime est un complice de Fantomas. Troisième partie, l'habileté du policier Juve découvre qu'une haute personnalité, quelquefois un monarque, n'est autre que Fantomas Grimé. Quatrième partie, une course fantastique amène Fantomas poursuivi et le policier poursuivant sur divers points du globe. Chute du Niagara, tuyaux de locomotive, environs de Grenoble, rade de Cherbourg, ferrures extérieures de la tour Eiffel, le fond de l'Atlantique, etc., etc. Dans ces occurrences, les auteurs ne se montrent pas seulement des savants très forts en géographie et en guide Johann, des chauffeurs experts, mais des poètes aigus, terribles, des auteurs dramatiques d'une ingéniosité unique. Le style est déplorable. Tranchons le mot, il est déplorable. Les auteurs, m'affirme-t-on, sont d'anciens étudiants de lettres. Ils ne font pas honneur à leur maître, avouons-le, messieurs, bien qu'ils nous en coûtent. Ils écrivent s'entretenir à quelqu'un. Il faut mieux. Ils abusent du mot désormais. Rappelons Dominique Khalifa que les guides Johann accompagnaient les voyageurs. C'est les grands guides de voyage de la période. De la période. Alors, style déplorable. Marc Jacob a dit à un autre moment, à propos de Fantômas, c'est du Nietzsche pour les boniches. Les boniches, dans le même texte. Hein, c'est... Alors, ce texte est très important. C'est un texte qui s'intitule « Écrit pour la SAF », traduisons « Société des amis de Fantômas », qui paraît dans le dernier numéro des Soirées de Paris, c'est-à-dire la revue créée par Apollinaire. On doit être en juin-juillet 14, donc juste avant le déclenchement du conflit. Et presque tout le numéro est dédié à Fantômas. Il y a plein de petites notes qui nous montrent que Fantômas a pris possession de la revue. Et Jacob dédie ce texte à Madame Picabia. Et donc on est à un moment... c'est tout à fait étonnant, où Fantômas est devenu en quelque sorte une des icônes de cette avant-garde poétique et picturale d'avant-guerre. Apollinaire lui a consacré un très bel article dans le Mercure de France quelque temps plus tôt. Sandrars a composé aussi un poème. Et puis à partir de là, on a une espèce de vague étonnante qui va très vite passer la guerre. Quoique en 1915, le peintre Juan Gris va consacrer une première toile à Fantômas. Après, il y aura Magritte. Et Magritte, alors après, qui va lui peindre quatre toiles autour du personnage de Fantômas. Et on entre à partir de là dans un moment que Dada, le surréalisme, et puis tous les mouvements qui vont suivre vont se penser comme des serviteurs en fait de ce personnage auquel il voue un véritable culte. Ça c'est très étonnant, avec des raisons et des critères qui vont être assez différents selon les époques. Pour Apollinaire, qui quand même initie le mouvement de façon assez claire, c'est l'imagination délirante, c'est ça qu'il séduit. Il y a dans Fantômas des et dans le texte de, parce que Apollinaire a vraiment lu, hein, chez d'autres ça pouvait relever un peu de la pose, chez Apollinaire comme plus tard chez Desnos ou un peu plus tard chez Queneau, ce sont vraiment des lecteurs des 32 volumes. Queneau plus tard dira: j'ai lu la série 4 fois intégralement, rappelons la série des 32 volumes, hein. Je l'ai lu 4 fois intégralement et la 5e fois je me suis arrêté au milieu. Et ce qui les fascine, c'est cette espèce de style invertébré, car effectivement c'est très mal écrit. Il y a des bourdes, il y a des cuirs, il y a des redondances, et puis Jacob était très clair, le style est déplorable. Ces grands écrivains avec leur inclination pour cette œuvre. Au fond, Fantômas prend un peu la figure d'une forme vide, parfois, absolument, en quelque sorte, habitée par tous ces gens-là qui installent leur fantaisie, leur imagination. Leur imagination, qui vont investir, effectivement, et puis qui vont y voir, en tout cas, ça va être le cas des pataphysiciens de Queneau ou de l'Oulipo, qui vont y voir une sorte d'évidence de ce qu'est l'écriture, de ce pouvoir de l'écriture, qui finalement va se retrouver porté par sa propre dynamique, par-delà effectivement les contenus ou les représentations qu'il peut porter. L'écriture presque à l'état brut, capable effectivement d'avoir une puissance d'évocation, une sorte d'énergétique de l'écriture dans lequel il ressentait. Vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Noël, la Breton et l'écriture automatique, mais pour Breton et Soupeau, il y avait de l'écriture automatique avant la lettre. Le bon docteur Freud lui-même, à un moment, a écrit un petit texte. Deux romanciers français ont écrit un texte dans lequel quelque chose des pulsions propres de cette société est en train de surgir. Donc, il y a ça dans ce texte. C'est ces auteurs, ces peintres, ces intellectuels, ces artistes ont perçu quelque chose qui bouillonnait dans ce texte, et ce quelque chose qui bouillonnait dans le texte, par-delà effectivement la vulgarité, parfois la trivialité ou les incohérences du propos, nous disait quelque chose de très fort. Sans cela, on ne comprendrait pas l'importance d'une œuvre qui est peut-être la plus notable dans le sillage du succès de Fantômas, c'est La Complainte de Fantômas de Robert Desnos. Desnos, oui. Puisqu'il y a une musique de Kurt Weill. Et en 1933, avec tout un groupe, une toute petite équipe étonnante, avec Allegio Carpentier, avec Artaud, avec Antonin Artaud. On n'a pas retrouvé, malheureusement, semble-t-il, l'archive elle-même. C'était sur Radio Paris. C'était sur Radio Paris. Ça procédait aussi de quelque chose de tout à fait trivial. Marcel Alain, tout seul, venait de rééditer un nouveau texte que le petit journal publiait, et donc c'est en quelque sorte une démarche purement publicitaire. Ce qui montre bien aussi ce croisement entre la culture de masse dans sa donnée la plus évidente, et puis ce texte magnifique que Robert Desnos va produire et qui effectivement va recharger là encore en 1933 le mythe de Fantômas. Desnos a été un grand fantomasologue. Alors l'original est perdu, mais dans les années 55, on a redonné cette complainte à la radio. C'est Catherine Sauvage qui interprète le poème de Robert Desnos. Écoutez. Écoutez, faites silence la triste énumération de tous les forfaits sans nom, des tortures, des violences, toujours impunis, hélas, du criminel Fantômas. Sans personne, il assassine, mais Juvet des deux Fandors va lui faire subir son sort. Enfin sur la guillotine, mais un acteur très bien grimé à sa place est exécuté. La dit belle dame, sa maîtresse, le vit tuer son mari, car il les avait surpris au milieu de leurs caresses. Il coula le paquebot Lancaster au fond des flots. Un phare dans la tempête croulait les pauvres bateaux, fond naufrage au fond de l'eau, mais surgissent quatre têtes, la dit belle dame aux yeux d'or, Fantômas, Juvet, Fandor. La peste en épidémie ravage un grand paquebot, tout seul au milieu des flots. Quel spectacle de folie, agonie et mort, hélas, qui a fait ça, Fantômas? Il assassina la mère de l'héroïque Fandor, qu'est l'injustice du sort, douleur poignante et amère. Il n'avait donc pas de cœur, c'est un infâme malfaiteur. Méfiez-vous des roses noires, il en sort une langueur épuisante et l'on en meurt. C'est une bien sombre histoire, encore un triste forfait de Fantômas en effet. Du dôme des Invalides qui volait l'or chaque nuit, qui c'était? Mais c'était lui, l'auteur de ce plan cupide, user aussi mal son temps quand on est intelligent. Allongeant son ombre immense sur le monde et sur Paris, quel est ce spectre aux yeux gris qui surgit dans le silence? Fantômas, serait-ce toi qui te dresse sur les toits? Alors, rencontre entre ces deux faiseurs de feuilletons que sont Souvestre et Alain et une très haute littérature. Absolument. Tout en reprenant la forme traditionnelle de la complainte, c'est-à-dire de l'énumération des forfaits. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Ce qui les fascinait aussi, je pense à tous ces intellectuels et ces artistes des avant-gardes, c'était le caractère excessif de ces meurtres, de ces abominations que Desnos cite. C'est déjà la complainte de Mandrin. C'est déjà les complaintes. Il y avait un petit jeu. Georges Sadoul raconte cela dans des mémoires. Il explique comment, dans les années 20, il était avec Yves Tanguy, le peintre, Prévert, et je crois que non, et ils avaient un jeu qui consistait à évoquer un titre de volume de Fantômas, et les autres devaient dire le plus grand nombre de crimes ou de forfaits ou d'abominations auxquelles Fantômas s'était livré dans le volume. Fascination pour la canaille. Voilà, et puis pour le caractère presque inimaginable de ces forfaits. Dans le même temps, un certain nombre de personnes s'indignent de l'influence de Fantômas, un peu au premier degré. J'observe ce propos d'Alfred Fouillé, vous savez, le philosophe un peu officiel de la Troisième République, dont la femme, sous le nom de Bruno, avait écrit le Tour de France des deux enfants. Alfred Fouillé écrit au moment où apparaît, avec son grand succès, Fantômas, il écrit « Familiariser les esprits avec l'idée du crime, eh bien vous les prédisposerez au crime lui-même, tout comme les professions où l'on est habitué à répandre le sang des animaux fournissent un plus grand nombre d'homicides. Les bouchers, tueurs. » Ça, c'était très fréquent à la Belle Époque, effectivement, ces mauvais romans qui allaient inciter au crime. Mais il n'y a pas que le... Bien sûr, hein, et ça dure assez longtemps, mais dans les vers 35-36, Nizan, par exemple, Paul Nizan... Ça, c'est une raison. ...a des propos très, sur un plan beaucoup plus idéologique. Hein, pour lui, voici un roman qui donne le beau rôle à la police, qu'il déteste, qui est en quelque sorte cet opium que l'on va donner aux travailleurs pour les détourner de la voie de la Révolution. Et qui ne met pas en scène les travailleurs comme des héros positifs, au contraire. Absolument. Quoique, chez Fantômas, oui, les grévistes ne sont pas très très bien vus quand même. Le propos est nuancé chez les auteurs. Ce qui est assez amusant à l'époque, on l'a un peu oublié, c'est que tout un réseau d'espionnage qui avait été commandité par l'Union soviétique et le Parti communiste français dans les usines d'armement, ordonné par un jeune militant d'origine polonaise qui s'appelait Beer, s'était appelé tout simplement le réseau Fantômas. C'est un grand procès en 1933. Venons-en maintenant, Dominique Khalifa, à l'expression en image de Fantômas, cinéma, bande dessinée, etc. Elle est fondamentale au cinéma. Qui a joué un rôle majeur dans la diffusion du mythe, puisque mythe il y a. Oui, on disait tout à l'heure, Apollinaire, Desnos ont lu, mais la plupart des autres ont surtout vu la silhouette fantastique de René Navarre dans les 5 films que Louis Feuillade a tournés et qui sortent sur les écrans en 1913 et en 1914. Les premiers, alors que la série n'était pas terminée, les autres juste dans la foulée. Ce sont des très beaux films. Esthétiquement, Feuillade est un grand réalisateur qui porte en lui une grande partie de ce qui va devenir le réalisme poétique des années 30. Et Prévert, là, est un des hommes qui assure le relais entre les deux univers. Même Mabuse, peut-être, dans la descendance. Bien sûr, bien sûr. Et le cinéma de Feuillade n'est pas pour rien dans la perpétuation du mythe. Puisqu'il est immédiat après l'apparition. Il est immédiat. Et René Navarre, dont c'est le grand rôle, hein, va porter cette figure jusqu'à sa mort au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ses films, cette entrée en matière cinématographique, quand même, avec l'un des plus grands noms du cinéma du temps, est quelque chose qui a énormément porté le personnage. Beaucoup plus tard, au moment où on peut avoir l'impression que le mythe décline, S'épuise, oui. Apparaissent les films de André Hunebelle. Très intéressant aussi parce qu'en violent contraste avec Feuillade et en même temps atteignant un très vaste succès populaire, ce qui redonne à Fantômas à nouveau dans les années 60, au mi-temps des années 60, un éclat qui paraissait disparu. Il y avait eu quelques films dans l'intervalle aux États-Unis, Sedgwick, en France, Feijos, mais qui n'avaient pas eu de succès. Non, effectivement, Hunebelle, on est donc en 1962, 63, 64, tourne des films qui, d'une certaine manière, pour les puristes et pour eux, sont des mutilations complètes de l'univers. Hein. Il y a un côté un peu ridicule qui est porté par Louis de Funès. Il y a un côté tellement anachronique où c'est de l'esthétique James Bond. D'une certaine manière, ou au SS 117, mais en même temps, et c'est ce point qui est tout à fait étonnant, ces films, peut-être grâce à la télévision qui les rediffuse tous les étés, mais ces films sont très connus, et aujourd'hui, pour le public plus jeune, et surtout à l'étranger, ils incarnent ce qu'est Fantômas. Et mon sentiment, c'est qu'en dépit des faiblesses, ou de la trahison, entre guillemets, auquel Hunebelle se livre dans l'adaptation, parce que c'est vraiment, on est très loin de l'imaginaire du début, mais il a eu cette force de, en quelque sorte, au moment où l'imaginaire Belle Époque était un petit peu en train de décliner, ça devenait un peu désuet, il a eu cette force de recharger, en quelque sorte, de reconfigurer, de redynamiser avec la mythologie du temps, des années 60, et de finalement de permettre au mythe de Fantômas, après tout un mythe il est là pour être renouvelé, de lui permettre effectivement de franchir la limite du cinquantenaire et de rentrer dans la seconde partie du XXe siècle avec toute la puissance et toute la force, et parfois un peu le ridicule que Hunebelle a donné au personnage et au mythe. Oui, un peu de ridicule autour de Louis de Funès qui interprète le policier juif et c'est Jean Marais qui joue les deux rôles à la fois de Sandor. Oui, de ça c'est bizarre quand même. Oui, et de Fantomas. Mais en même temps, Marais, par sa personnalité, par le rapport qu'il avait avec Cocteau, qui lui aurait dit « Ah, vas-y Jean, fais-le, c'est un bon film », incarne d'une certaine manière une forme de liaison avec la première génération des intellectuels. Et puis, cette couleur bleue, ce bleu du masque de Fantomas, qui est une invention de Hunebelle. On a voulu y voir aussi, finalement, le bleu Yves Klein, et là aussi, un usage d'une forme esthétique d'avant-garde qui était en phase avec la modernité des années 60. Alors, même si les Hunebelle sont pas aussi transcendants et d'une certaine manière en régression par rapport à l'œuvre de Feuillade, je pense qu'ils ont joué un rôle important. Donc, vous ne diriez pas qu'il a humilié le mythe, mais plutôt qu'il l'a régénéré. Il l'a régénéré. Merci Hunebelle. Eh bien, je vous dois, Dominique Khalifa, je vous dois un extrait du film d'Hunebelle 1964, avec, rappelons-le, Jean Marais et Louis de Funès. Vous allez en avoir besoin d'un avocat et d'un bon. Ne pas déranger. Un scandale, vous m'entendez, une honte. Écoutez aux portes, vous croyez que c'est bien, commissaire? Quel procédé? Parlons des vôtres, vous dépassez les bornes. Tous les coups sont permis pour faire monter le tirage. Du sang à la une, voilà ce qui vous fait vivre. Mais s'il n'y avait plus d'assassins ni de crimes, vous n'auriez plus qu'à vous faire inscrire au chômage. Et après vous, monsieur le commissaire. Car nous n'avons pas que les crimes pour exercer notre métier. Terroriser la population, vous appelez ça un métier, vous? Non, mais écoutez, attendez seulement que je fasse la preuve que cet article, enfin, que ce torchon est un tissu de mensonge, et ça fera du bruit. Mais alors, croyez-moi, là, ça va faire du bruit. Oui, on est là dans le cocasse. Oui, mais en même temps, farfelu. En même temps, ce film et ces adaptations vont avoir une filiation au travers de toute une série de formes que l'on n'avait pas connues auparavant. Je pense par exemple à tout ce qui va surgir en Italie derrière ces petites bandes dessinées, ce que les Italiens appellent les fumetti neri, diaboliques, sataniques, toute une série criminelle, killing, tout le roman photo, un peu ridicule aussi, mais qui va se situer dans la filiation. Le personnage mexicain du Fantomas, mexicain tout en blanc, différent, mais qui arrive dans la foulée. C'est Zorro en blanc. C'est un peu un justicier, oui, le Fantomas mexicain. Transformé, parce que justicier, le nôtre. Oui, mais qui garde quelque chose, qui garde le nom, qui garde le costume, etc. Et qui, effectivement, avec toutes ces figures, vont rajouter la modernité 60, de l'érotisme, alors qu'il n'y en a pas tellement dans le Fantomas originel, cette modernité technique de l'hélicoptère, la voiture, presque là, on va presque sentir la fantomobile ou quelque chose comme ça. Donc toute cette filiation, elle est portée d'une certaine manière par Hunebelle, le personnage de diabolique qui a été si important quand même pour les adolescents des années 70, d'une certaine manière est un avatar assez clair de Fantomas revisité par Hunebelle et revisité par l'esthétique et l'imaginaire des années 60. On peut d'ailleurs signaler qu'au moment où il paraît devoir être capturé, il s'envole grâce à une déesse Citroën 1965 qui tout à coup sort des ailes et qui peut lui permettre d'échapper à ses poursuivants. On est 3 ans après le moment où la déesse Citroën a sauvé la vie du général de Gaulle lors de l'attentat du Petit Clamart grâce à son équilibre et sa suspension. Et qui incarne la modernité du temps comme le cinématographe de Feuillade ou le téléphone et le gigantique dans lequel Fantomas meurt dans la première version incarnait la modernité belle époque. Mythologie dans le livre de Roland Barthes. Absolument. La dernière nouvelle, c'est 66, Fantomas, dans la revue Constellation, qui appartenait à Robert Laffont, qui venait de rééditer une énième édition complète de Fantomas. Grand succès, Constellation, en rivalité avec Sélection du Reader's Digest à l'époque. Absolument. Et dans cette nouvelle, qui s'appelle Fantomas mène le bal, eh bien, Juve et Fantomas partent dans une fusée sur la Lune, et on ne sait pas ce qui va leur arriver, on ne sait pas d'ailleurs où les fusées arrivent. Donc, voilà. Je pense que même si ces textes n'ont pas la force, la puissance, des textes initiaux ou des films de Feuillade, ils jouent un rôle fondamental dans la pérennité de l'imaginaire. Ce que vous dites sur la disparition dans les airs de Fantomas me fait songer à ce feuilleton qui avait été développé par des jeunes normaliens dans les années 20 et qui s'appelait Fulgure. Fulgure n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu Fantomas. Et de la même façon, comme ils l'ont écrit à plusieurs mains, à la fin, il y avait un grand désordre de tous les personnages qui étaient là. Ils ne savaient plus qu'en faire. Alors, ils ont décidé de le mettre dans l'ascenseur de la Tour Eiffel et de dire l'ascenseur de la Tour Eiffel atteignit le troisième étage. Et il ne s'arrêta pas. Nous avons les mêmes lectures, Dominique Khalifa. Et il ne s'arrêta pas. On peut ajouter qu'il y a eu aussi des bandes dessinées. Récemment, une très bonne bande dessinée. Et des bandes dessinées, il y en a eu beaucoup. La récente, qui s'appelle La colère de Fantômas. Trois volumes, effectivement, que nous devons au scénariste Olivier Boquet et à l'excellente jeune dessinatrice québécoise qui s'appelle Julie Rochelot. Et sans doute une des rares bandes dessinées qui a réussi à capter véritablement la force dans la couleur, dans l'outrance et la violence de la représentation. À capter quelque chose du personnage originel. Malraux, au fond, n'aurait pas été étonné de la vitalité de ce mythe. Lui qui, à plusieurs reprises, a fait allusion à Fantômas, le baron Clapic, dans La condition humaine, s'y réfère. Absolument. Parmi les multiples échos, rimes, résonances, comment ce mythe a-t-il pu effectivement être autant porté par ce siècle ? Sandra prétendait tant, mais il me semble que ce soit controuvé, aurait dit... c'est l'Énéide de notre temps. Oui, on l'a beaucoup répété, on l'a beaucoup dit. J'ai moi-même contribué à le répéter à un moment. Je ne vous félicite pas. Mais c'est faux, effectivement. Sandras, dans son poème de 1914, parle d'Homère. Mais il y a bien sûr cette dimension épique qui est évidente. On l'a parlé tout à l'heure lorsqu'on parlait des personnages, de la famille, des aventures, etc. Il y a la dimension épique, mais il y a plus que ça. Il y a, me semble-t-il, une vraie dimension mythique au sens fort du mot mythe dans Fantômas. Il nous dit quelque chose, me semble-t-il, de notre XXe siècle et de ses prolongements actuels, dans le rapport qu'il peut y avoir entre ce monde porté par la technologie, ce monde effectivement si travaillé par l'invention, le progrès technologique, et en même temps un progrès technologique qui, dans Fantômas, est totalement dévoué à produire le mal. Et d'une certaine manière... Que Fantômas s'arrête en 1914, que son costume porteur de noir porte le deuil en quelque sorte de cette belle époque pour rentrer dans le monde de 14 et inaugurant l'ère des grands massacres et des grands massacres technologiques que le XXe siècle et le XXIe malheureusement n'en est pas sorti vont continuer à prouver. Il me semble que là il y a ce quelque chose effectivement qui est porteur de la puissance mythologique profonde de Fantômas. Dans les toiles il y a une très belle toile de Tanguy du peintre Yves Tanguy, avec ce décor totalement plat, comme les surréalistes faisaient à cette époque, qu'on trouve le même chez Dali. Oui. Tout est détruit. Hein, le monde n'existe plus et Fantômas seul va pouvoir s'élever au milieu de cet univers complètement, complètement apocalyptique. Il y a cette dimension-là qui, à quelque sorte, est une forme de préscience de la part de Souvestre, mais qu'il a réussi à mêler avec tout l'imaginaire feuilletonesque traditionnel. Ce que Marcel Alain, au bout du compte, n'a jamais compris. Donc la question que je posais tout à l'heure en commençant, 20e siècle ou 21e siècle, on peut dire qu'il y a une continuité, Dominique Khalifa. Tu entreras dans le siècle, c'est le titre de votre livre, en lisant Fantômas, c'est bien le 21e autant que le 20e. Sans doute, on a qualifié Oussama Ben Laden de nouveau Fantômas après les attentats du World Trade Center. Merci Dominique Khalifa, merci. Votre livre est paru chez Vendémiaire il y a 2 ans, en 2017. Il faut rendre hommage aussi à Loïc Artiaga et Mathieu Letourneux, vous les citiez tout à l'heure, puisqu'ils ont contribué avec Lacassin à donner l'édition intégrale de Fantômas en 8 volumes, alors que le texte avait été beaucoup tripatouillé. Ah, la première édition 1911-1913 est la bonne. Après, il n'y a eu que des éditions tronquées. Jusqu'à bouquin. Ils ont également proposé une biographie d'un criminel imaginaire, Fantômas, publiée en 2013 par l'éditeur Les Prairies Ordinaires. Voilà. Mes chers auditeurs, chères auditrices, vous allez pouvoir retrouver, si vous le souhaitez, une bibliographie plus complète. Elle est très riche à la fin de votre ouvrage. Une bibliographie plus complète sur Fantômas, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, eh bien, comme je l'ai annoncé, je vous proposerai des rediffusions, 8 rediffusions pour l'été. La première sera consacrée, je ne sais pas si Fantômas aurait été intéressé, au cannibalisme. Manger son prochain. Il aurait pu. Manger son prochain. Jamais, parfois, souvent, point d'interrogation, avec Jacques-Olivier Boudon. Cette émission avait été diffusée pour la première fois le 5 mai 2018. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Jeanne Guéroux, réalisé par Yaël Mandelbaum, avec Morgane Danan à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Gwen Michel. J'ajoute que, comme toujours, le service de documentation et la bibliothèque de cette maison nous ont été d'un précieux secours. Je les remercie. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.